Regarde, dès que je branche la base, j'ai la voice qui est allée avec. En plus, ma base, elle passe même pas. Putain, ça m'énerve! Si je suivais là-bas, comment peut-être je passe? Et si je suivais là-bas? Do do do do.